Depuis mon plus jeune âge, je rêve de soleil, de voyage. Parcourir le monde avant de mourir. Seulement Dieu pouvait me donner des ailes. Je te promets que j'irai toucher le ciel pour me sentir libre. Je traverserai mer et océan. J'userai mes Nike sur la terre des cinq continents. Métro, boulot, dodo, plutôt crever, poteau. Petit, je regardais les étoiles rêvant d'être cosmonaute. Laissez l'oiseau sortir de sa cage. Passe-moi les feuilles, OCB, collage, décollage. J'ai croqué la vie à pleines dents. L'avenir appartient à ceux qui braquent le présent. Si seulement Dieu pouvait me donner des ailes, je m'envolerais, j'irais toucher le ciel. Toucher le ciel. Comme un oiseau qui s'évade de sa cage pour s'allonger sur un lit de nuages. Si seulement Dieu pouvait me donner des ailes, je m'envolerais, j'irais toucher le ciel. Je cherche un coin de paradis pour regarder mon fils grandir tranquille. Je veux être libre, laissez-moi être libre. Réussir ou crever, quitte ou doux. Ma vie n'a rien à voir avec les bisounours. Maintenant je passe à la télé, les filles me trouvent cool. Et quand je passe en camos, les flics me courent. Je cherche un endroit tranquille, loin des embouteillages, du stress des grandes villes. Si les âmes circulent comme si elles étaient en vente libre, je cherche un coin paisible pour voir mon fils grandir. J'ai dû partir, j'ai dû détruire, j'ai dû revenir pour tout reconstruire. La vie m'était hostile, je l'ai tiré par son brochet. Wesh, sauf, fais tes bagages, viens, on se tire. Pour mes potos, parti trop tôt, laissant derrière des souvenirs et quelques photos. Que j'avance droit au but comme Adriano. Merde, les rappeurs veulent me tirer le maillot. Si seulement Dieu pouvait me donner des ailes, je m'envolerais, j'irais toucher le ciel. Toucher le ciel. Comme un oiseau qui s'évade de sa cage pour s'allonger sur un lit de nuages. Si seulement Dieu pouvait me donner des ailes, je m'envolerais, j'irais toucher le ciel. Je cherche un coin de paradis pour regarder mon fils grandir. Tranquille. Casquette au visage, emporté par le mistral. Au sommet je voyage, entre soleil et nuages. Zoom sur le paysage, je cherche un coin paradisiaque. Parce que le monde est caca, je voulais changer l'histoire. Ma vie c'est freestyle. Moi je suis un mec bien, mon cœur est pur comme le cristal. Je cherche un coin où on ne juge pas un homme à cause de son teint. Moi plus je connais les hommes, plus j'aime mon chien. Je veux partir loin, en paix sur une île. En moi j'ai la force comme Obi-Wan Kenobi. Si seulement Dieu pouvait me donner des ailes, je te promets que j'irai toucher le ciel, goûter mes rêves. Si seulement Dieu pouvait me donner des ailes, je m'envolerais, j'irai toucher le ciel. Toucher le ciel. Comme un oiseau qui s'évade de sa cage pour s'allonger sur un lit de nuages. Si seulement Dieu pouvait me donner des ailes, je m'envolerais, j'irai toucher le ciel. Je cherche un coin de paradis pour regarder mon fils grandir tranquille. Si seulement Dieu pouvait me donner des ailes, je m'envolerais, j'irais toucher le ciel. Toucher le ciel. Comme un oiseau qui s'évade de sa cage pour s'allonger sur un lit de nuages. Si seulement Dieu pouvait me donner des ailes, je m'envolerais, j'irais toucher le ciel. Je cherche un coin de paradis pour regarder mon fils grandir tranquille.